famille. Salut, Charlie. Alors, est-ce qu'on a les sujets? On dirait Phèdre qui rentre dans le bureau. Ouais, c'est vrai, vous les trouvez bien là, par exemple. Ouais. Super. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit Thierry Ancis de la Comédie Française. Ah, donc, je voudrais que dans la conf de rédac, vous soyez au top en acting. D'accord. Donc, ouais, donc prenons une ligne de texte d'Alex, par exemple. Voilà. Je vais me chercher un café. C'est parce que j'écris de mieux, c'est sûr. Comment tu le dirais, toi, Guillaume? Moi, je dirais neutre, genre, tu vois, je vais me chercher un café. Redis-le. Je vais me chercher un café. Non, mais neutre, ça veut pas dire sans émotion. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie intensité. Non, il n'y avait pas cette envie du café, mêlée à l'angoisse du percolateur. Mais attends, c'est beaucoup d'indications d'un coup, là. Non, il faut que quand tu le dis, tu vois, l'auditeur et l'odeur du café chaud. D'accord, ok. Allez, j'ai compris. Je vais me chercher un café. Oui, plus de joie. Je vais me chercher un café. Plus de tristesse. Je vais me chercher un café. Voilà, de la crainte. Je vais me chercher un café. Oui, laisse parler l'enfant qui est en toi. Je vais me chercher un café. Voilà, là, on a une palette. On va le bluffer, le Thierry Ancis. Je crois qu'on est prêt, on peut y aller. Et toi, Charline? Ah oui, c'est vrai, tu donnes des cours de théâtre, on fait son Michel Bouquet, mais est-ce qu'on est certain que toi, t'as le niveau? Moi, j'ai bossé toute la soirée cette conf de rédac. Je vais faire une entrée à la Phèdre. Ouais, vous allez voir, allez, on tourne. Okay. Conf de rédac, caption première. Salut à vous, oh les amis. Salut. Alors, est-ce qu'on a les sujets? On dirait Phèdre qui rentre dans le bureau. Bonjour à toi, ô France Inter, et ton cortège d'auditeurs. Entre ici dans cette émission qui tricote l'actualité. Et voici les trois informations dont tous les points à l'endroit vont finir à l'envers. Ce soir, François Hollande sera à la télé, comme tous les jours, quoi. Sauf que cette fois, ça va durer plus longtemps. C'est une vraie émission présidentielle, une sorte de grand-messe qui rappelle quelques souvenirs. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct. Mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Karim Benzema ne jouera pas avec les Bleus à cause de l'affaire de la sextape. Il a été exclu par les dirigeants et lâché par ses équipiers. Ou tu sors ou je te sors, mais voilà, prendre une décision. Hein? Vas-y. Ou tu sors ou je te sors. Un professeur de la London School of Economics brise un mythe, celui du travailleur français paresseux. S'il ne s'est basé que sur des chiffres, nous l'invitons à vérifier son étude sur le terrain, dans le sud par exemple. Moi, paresseux, j'ai tout le portrait de ton entrée-ville. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Et je suis accompagné de celui qui ne traîne jamais, sauf quand il s'agit de rendre le journal à l'heure. C'est Alex Vizorek. 17h17, c'est à peu près l'heure à laquelle il arrive, le journal. Bonjour à tous, et autour de la table, une belle équipe. 17h20, c'est notre barbu à nous, sauf quand il fait exploser quelque chose. Au pire, c'est notre tympan. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler d'un groupe France. En fait, c'est pas un groupe. Enfin, si, c'est un trio. En fait, c'est entre Jules et Jim et puis Erasmus. Mais c'est formidable et ça s'appelle Camp Claude. J'ai complètement raté mon teasing. C'est une façon de nous donner goût aux choses et d'attendre 17h20 avec impatience. 17h30, il est moins poilu qu'André Manoukian et pourtant c'est lui le poil à gratter de cette émission. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'ai contacté Fleurette. C'est la femme aussi, number one de François Hollande. Je vais poser des questions. Par exemple, qu'est-ce qu'elle pense de Macron? Il est trop fougueux pour l'instant. Il faut qu'il se calme un petit peu. Voilà, tu te calmes, Manu, parce que tu énerves Fleurette. Et à 17h40, comme je sais qu'elle n'aime pas le mouvement Nuit Debout, je lui ai proposé qu'on s'y oppose totalement en organisant à deux une nuit couchée. Eh bien, elle n'aime pas non plus. Bonjour, Clara Dupont-Mono. Bonjour, Alex. Oui, de quoi on va parler? On va parler de Martine, les petites héroïnes de la littérature jeunesse qui a 60 ans. Voilà, allez, c'est pas foulé Martine, la chroniqueuse debout. Littéraire. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Baudouin de Belgique. Oh, il oui. Vous entrez à la Comédie Française en 86, l'année où la calculatrice est autorisée aux examens, ce qui a sans doute facilité votre entrée aux Français, n'est-ce pas? Vous devenez sociétaire de la Comédie Française en 93, quand Bill Clinton devient locataire de la Maison Blanche. Et vous jouez au cinéma dans Le Candidat de Niels Harstrup en 2007, quand Bayrou, candidat éternel, crée le modem pour briser la monotonie du quotidien. Et vous, vous êtes, je vais vous laisser nous le dire, vous moi, êtes... Moi je suis le plus poilu des trois, mais je suis obligé de me raser en scène, donc là j'ai une peau de bébé. Je suis Thierry. Thierry Ancis, Thierry Ancis de la Comédie non, Française. Non, son frère jumeau. Oh là là, le jumeau il Thierry Ancis. Il travaille. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Oh Thierry Ancis, sois le bienvenu dans cette émission. Non, je préférais le café. Et Alex Vizorek, dites-moi pourquoi Thierry Ancis est avec nous. Parce que je t'allais le voir. Sachez-le, Charline, moi j'ai fait des cours Florent, Guillaume aussi, et il y a des salles. On joue dans les salles. Il y a une salle Arletty, il y a une salle Jacques Weber, il y a une salle Gad Elmaleh et il y a une salle Thierry Ancis. Et Thierry Ancis est donc hyper reconnu parmi tous les comédiens et je trouve qu'il n'est pas assez connu par du public et je trouve qu'il fallait donc mettre en valeur les grands comédiens français qui sont belges puisqu'il y a une salle Francis Huster pour le rappeler. Mais sinon, il y a des grands comédiens. C'était la première. Oui, c'est vrai. C'était la première. Sinon, il fait quelque chose. Mais oui, c'est pour ça. Exemple, on a attendu qu'il ait une actu, mais comme à la Comédie Française, on a toujours une actu. On a invité Thierry Ancis. D'habitude, c'est vous qui pitchez la pièce et donc c'est pour ça que je m'attendais à ce que vous le fassiez. Mais donc il joue. Il joue. C'est vous qui allez le voir. Là, j'ai été le voir. La Musica. Il y a papa et maman qui se disputent. La Musica deuxième. Vous jouez du ils vont divorcer. J'ai peur. Ouais, ça va aller plus vite que prévu vu qu'on n'est pas trop mariés, mais vous jouez du Marguerite Duras. Duras. Exactement. Et je vais vous lire ce que dit les Inrock dans l'intro. Anatoly Vassiliev, le metteur en scène, porte sublime l'histoire de ses amants que Marguerite Duras n'arrive à séparer qu'en s'y reprenant à deux fois. Pourquoi les Inrock disent ça? D'abord, est-ce que vous avez compris? Parce que les Inrock sont des gens intelligents et que en même temps ils n'ont pas toutes les infos parce que Marguerite Duras s'y reprend à trois fois pour dire ça. Oui, faut expliquer parce qu'en fait c'est la même pièce. C'est la même pièce, non pas tout à fait. C'est-à-dire qu'elle avait écrit la pièce en 65 au départ pour une émission radio pour la BBC puisque France Inter ne prenait pas ses pièces, enfin je suppose. et puis elle a, en fait, ces amants d'Evreux là, cette histoire d'amour impossible, l'a hantée, dit-elle, pendant 20 ans, et donc au bout de 20 ans, 85, elle a réécrit la musique en première, donc qu'elle avait écrit, et elle y a donné une suite, donc elle a composé la musique à deuxième, mais qui est composée aussi de la musique en première. Ouais. Et elle dit d'ailleurs que quand elle a écrit la musique à deuxième, c'est comme un second acte. C'est comme un second acte, absolument, absolument. Elle le disait elle-même, et puis Anatoly Vassiliev a aussi fait la réflexion, en disant, vous savez, pourquoi on la joue? Parce que il y a quelques petits changements, il y a des choses beaucoup plus radicales, il y a des choses beaucoup plus ironiques, des choses un peu plus distanciées, mais ça fonctionne sur deux, trois mots parfois, dans des répliques qui changent, sinon l'essence du texte est le même. Mais Vassiliev nous a dit, mais il n'y a aucune raison, de toute façon, en 20 ans, les rapports hommes-femmes ont terriblement changé, c'est-à-dire qu'on reprend la même chose, on dit les mêmes choses, mais on a l'impression qu'on peut jouer finalement avec les sentiments, alors que finalement pas du tout. Les sentiments reviennent encore beaucoup plus violemment dans la gueule. Mais c'est quoi, pardon, d'intervenir l'histoire de ces amants d'Evreux? Est-ce que c'est aussi chaud que Charline et Alex, par exemple? Je crois que c'est pire parce qu'eux ont été mariés. Voilà. Eux ont été mariés. Ils sont connus dans un hôtel. Ils ont vécu au départ dans l'hôtel qui est l'endroit de la pièce. Ouais. Et puis, ils ont vécu ensemble. Ils ont fait construire une maison. Ils ont vécu dans cette maison. Non, jusque là, c'est pareil que Charline et Alex. Voilà. Et puis c'est devenu l'enfer, donc c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et ils ont divorcé. Ah, voilà. Ouais. Et donc ils se revoient au bout de 2 ans pour clore le divorce. Et ils se revoient dans cet hôtel et ils essaient de comprendre ce qui leur est arrivé. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont encore un lien immense, un lien passionnel, un lien amoureux. Mais bon, chacun a fait sa vie. Donc c'est un grand poème d'amour. Et en tant que comédien, jouer comme ça deux fois la même histoire à 1h30 d'intervalle, comment vous appréhendez ça? Est-ce que vous y amenez autre chose? C'est-à-dire que Vassiliev y a amené une autre chose complètement. C'est-à-dire que la première partie est une partie extrêmement émotionnelle, très très psychique, très ancrée sur le psychisme et sur la relation qu'on a avec Florence Viala, qui joue ma partenaire, Anne-Marie Roche. Et donc il y a eu un grand grand travail d'appropriation de l'autre, si je puis dire, un peu comme... Voilà. Vous m'expliquerez. Alex, ne m'abandonnez pas. Un grand travail sur... Je vais pas vous faire toute la logique du travail de Vassiliev, qui est quand même un des grands, immenses metteurs en scène de cette époque internationale. Et donc la deuxième partie, on reprend ça, mais ce qu'il appelle les structures ludiques, c'est-à-dire on fait les mêmes choses, mais on dit allez, on joue avec, donc on met un objet et on flirte autour de cet objet. La première partie, par exemple, on parle de la maison qui est quand même l'endroit, le creuset de la douleur, de l'amour, de la violence. Et quand on reparle de la maison dans la deuxième partie, paf, on le tourne en faisant ah bon, vous êtes passé devant la maison, mais vous m'avez pas dit, avec les mêmes mots, mais changeant complètement le rapport aux mots, justement. Au Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 30 avril, la Musica deuxième de Marguerite Duras, mise en scène d'Anatoly Vassiliev avec Thierry Ancis qui est notre invité jusqu'à 18h et Janis Joplin nous accompagne. C'est bien, c'est bien. You say that it's over, baby. You see. Janis Joplin, Move Over. Mais restez sur France Inter avec nous. Thierry Ancis de la Comédie Française est avec nous. Qui joue au vieux colombier, on ne l'a pas dit. C'est vrai. Si, si, je l'ai dit. Je l'ai dit jusqu'au 30 avril. Ah, ça recommence. Charline, vu le nombre, les spécimens de la Comédie Française qui sont invités dans votre émission, moi je dirais que c'est assez rock'n'roll la Comédie Française, non? Beaucoup plus qu'on l'imagine, je pense. Ou alors on est tellement classique. Oui, c'est ça, on vous choque peut-être. Autour de la table, Alex. Eh bien, bah, c'est l'équipe type, un peu par ordre d'apparition. André Manoukian, Guillaume Meurice et la formidable et sublime Clara Dupont-Moreau. Et autour de cette table, l'information. L'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande est interviewé ce soir sur France 2, notamment par Léa Salamé. Oui, mais dis donc, Chérukier, Léa, elle dit toujours « Alors c'est formidable, mais j'ai juste un bémol. » À mon avis, ce soir, ça va être « Alors c'est pas formidable, mais j'ai trouvé une note juste sur ce que vous avez fait. » Et nous nous rendrons à la nuit debout. Oui, ou apparemment, les CRS essayent de les asseoir. Et des brèves. Et, oui, et même un son cadeau. Cadeau qui concerne quelqu'un autour de la table. On démarre par un hommage. Oui. Il y a 30 ans, disparaissait Simone de Beauvoir, philosophe, romancière, essayiste. Son créneau à elle, c'était bien sûr le féminisme. C'est d'autant plus remarquable que les créneaux, en général, c'est pas le truc des gonzesses. Mais on préfère ce rire. Ce soir, François Hollande... Bien qu'on conférence les grosses têtes, ils sont en face. Voilà, bim. Ah, bonne réponse de l'amiral. On enchaîne. Ce soir, François Hollande sera face au Français. Oui, alors c'est pas sûr. Ah bon ? Non, parce que d'après Le Parisien, pour préparer l'émission, François Hollande a relu toutes ses promesses de campagne. Ah oui, d'accord. Il a même relu le discours du Bourget. Ah non, mais là, il doit être à dodo de la vaisselle. Ah oui, mais si dans l'après-midi, il lit la définition de socialisme, il est achevé. Donc, venons-en à la nuit debout. Oui, vous vous souvenez, Charline, qu'avant-hier soir, la place de la République était plongée dans le noir. Ah, je m'en souviens très bien, oui. Oui, et tous les participants avaient crié au scandale, à la censure, à l'état totalitaire. Ah oui, oui, mais c'était pas ça. Non, alors, l'origine de la coupure, des manifestants avaient organisé un barbecue. À même le sol, et le barbecue a brûlé le câble d'alimentation d'un luminaire et a entraîné la panne de courant sur toute la place. Ah, c'est dommage. C'est ballot. Alors on va se rendre sur place pour voir si tout va mieux. Guillaume, est-ce que vous entendez? Vous êtes sur place? Oui, oui, je vous entends. Oui. Je suis effectivement sur place et un nouveau drame ici. Oula. Un des membres de Nuit Debout a été scalpé. Par un CRS? Non. En fait, pour mieux filmer l'événement, la commission communication de Nuit Debout a attaché une caméra à un drone et ils ont perdu le contrôle de l'engin. Aïe. Et tout est revenu dans l'ordre ? Non, absolument pas. On attend que la batterie se décharge. Actuellement, tous les gens sont couchés par terre. C'est pas de chance pour la nuit debout, évidemment. Mais attendez, attendez. J'ai l'impression qu'un incendie démarre sur la place. Ah, ce sont des casseurs, sans doute, non ? Non, c'est le Tché du 95 qui a trébuché avec un bidon d'essence sur un feu de camp. Mais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Voilà. Mais soyez prudents, Guillaume, bien évidemment. Revenons à l'enquête sur les attentats de Paris. Oui. Mohamed Abrini, arrêté la semaine dernière à Bruxelles, a été entendu et il prétend qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Ah, ben on l'a la solution. Alors si on envoyait des mouches dans le métro plutôt que des soldats, on serait protégés. Dans le cadre de cette même enquête, hier, une perquisition musclée a eu lieu à Uccle. Ce qui est curieux parce que c'est un quartier de Bruxelles assez chic. Et oui, curieux c'est le mot, parce qu'en fait les trois hommes ont été relâchés ce matin. Il y a eu une méprise. Alors écoutez pourquoi. C'est lunaire. C'est un extrait du JT d'RTL Belgique hier soir. Si les policiers sont arrivés ici, c'est à cause du numéro de carte de fidélité d'un magasin de bricolage du propriétaire. Il figurait sur un ticket de caisse retrouvé chez des terroristes perquisitionnés les semaines dernières. Le jeune homme avait en fait simplement récupéré les points des achats de la personne devant lui à la caisse. J'ai juste accepté le fait de recevoir, entre guillemets, les points de fidélité sur ma carte sans rien aller payer ou quoi que ce soit, comme n'importe qui l'aurait fait en fait, d'accepter des points gratuitement. Faut voir l'état de l'appartement perquisitionnaire. Je vous le conseille, ce petit reportage. C'est cher une naturalisation. vous avez un pied dedans déjà. On termine par un son, Alex. Oui, cadeau. Samedi soir, c'était Liane Folly, l'invitée chez Laurent Ruquier, et Léa lui a fait une confession. Quand je pense à vous, je pense systématiquement et depuis toujours à André Manoukian, dont je suis un peu secrètement amoureuse. Oui, ça doit être ça. Voilà. Vous n'êtes pas la seule. Hein. On m'arrête dans la rue pour me demander comment ça se passait au lit. Voilà. Et moi, je jure que c'est vrai. Donc, il y a deux infos qui me choquent. Déjà, Léa Salamé est amoureuse de vous et Liane Folly dit partout que vous êtes un mauvais coup. C'est sûr qu'elle ne répond pas à autre chose. Hein, une réaction, on va devenir. On peut pas rêver, à un moment. Je suis pas sûr de la réponse. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une déclaration d'amour à Léa aussi, mais je suis tellement... Allez, premier sujet avec Thierry Ancis, qui nous fait le plaisir d'être là, de la Comédie Française. Premier sujet avec vous, Thierry Ancis. Eh bien, ce soir, François Hollande s'adresse aux Français, comme tous les jours, sur toutes les chaînes. Oui. Sauf que là, c'est toute la soirée sur France 2 dans une émission avec des vrais Français. Un panel choisi par la chaîne et peut-être un petit peu par l'Élysée, puisqu'une syndicaliste FO affirme avoir été décommandée au dernier moment. Écoutez-la. Une Bretonne. Madame, bonjour. Bonjour. Vous ne pouvez pas rester ici. Faut que je parle à François. Il n'a pas l'interphone, le président normal. J'aimerais savoir ce qu'il a à proposer à ceux qui ne veulent pas de sa vie normale pourrie. Ah, désolé, madame, il n'est pas là. Ah bah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, lui non plus, il travaille pas. Connasse par Camille Cotin. Thierry Ancis, l'intervention ce soir de François Hollande me fait penser à quelque chose, c'est que par exemple Muriel Mayette, qui est déjà à la Comédie Française, elle a coaché NKM pour maîtriser sa respiration. Oui. Et on a appris que Bruno Le Maire travaille avec Alain Saxe, le metteur en scène et dramaturge. Oui. Donc je me dis, ce soir... Pour qui vous roulez, Thierry Ancis? Non bah alors oui, tiens, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a un politique que vous aimeriez peut-être conseiller pour sa respiration, poser sa voix, etc. Non, beaucoup en fait. Je leur apprendrai à retenir leur respiration jusqu'à devenir très très bleu. Et quand ils me diraient, je dis continue. Et voilà, en fait. Ça c'est d'accord. Ça. C'est une méthode. C'est une méthode. Qu'est-ce que vous pensez qu'un comédien peut apprendre à un politicien ? Absolument rien. Le politicien est parfois meilleur comédien ? Non, pas du tout. Non, c'est des très très mauvais acteurs. Parce qu'un acteur peut pas être menteur, le politique obligatoirement. Ouais. Mais il y a un côté représentation quand même dans les meetings. Il y a un côté. Oui, mais il faut aller chercher le public. Enfin, il y a quand même des trucs de scène. Non, le public en général est acquis déjà. Alors qu'au théâtre, c'est pas parce qu'il a payé qu'il est acquis, le public. C'est pas faux. Ouais. Peut-être apprendre que les politiciens apprennent à aller chercher le public, ce serait. Ce serait intéressant ou pas ? Non, je ne pense pas. Je crois que ça n'a aucun intérêt. Je pense que le seul intérêt de la politique, c'est de travailler pour les gens vraiment et de travailler en envisageant l'émotionnel, ce qu'on ne fait plus. Enfin, l'émotionnel devient un jeu, devient une arme, mais n'est pas fondamentalement quelque chose que les gens sentent. Mmh. Quand les gens ressentent de l'émotionnel pour un politique, c'est formidable. Mais ça, en général, ça se passe plus dans les régions ou dans les villes ou dans les villages, ouais. Avec le maire, par exemple. Si vous pensez que les hommes politiques sont tous dans le mensonge, c'est parce que vous êtes un déçu de la politique ? Bah, je suis un déçu de la politique parce que beaucoup de choses me déçoivent. De tout ce que je vois depuis toujours. Enfin, moi, mon père faisait de la politique et je trouvais que c'était un homme tellement passionné, tellement engagé, tellement dans un principe de générosité et d'amour de l'autre et d'oubli de lui-même que voilà, je ne peux pas m'empêcher chaque fois de me remémorer son travail et ce dont on parlait quand je vois les politiques aujourd'hui. Quoi. Mais il y a un côté quand même, lire le texte d'un autre. Par exemple, Manuel Valls, il lit le texte du MEDEF. Et oui, mais c'est quand il perd le sien, il est obligé de prendre le premier texte. Voilà, c'est ça, ouais. Ah, bah, donc le conseil de Thierry Ancis, comédien à François Hollande, c'est d'arrêter de respirer pour devenir très très très bleu et nous fiche la paix 5 minutes. Il commencera par devenir rouge, parce qu'il y a longtemps qu'il l'a plus été. Et puis, pourquoi pas une nuit debout Place Colette devant la Comédie Française. Parce que c'est petit et puis ça fait du bruit pendant la présentation. C'est vrai, vous avez raison. André Manoukian. Deux croissants de lune dorée. Ce sigle mystérieux signe tous les clips de Camp Claude. Signe ésotérique jusqu'à ce que l'on se dise « Mais oui, ce ne sont pas deux croissants de lune, ce sont les deux C, les initiales de Camp Claude. » Camp Claude, c'est un trio, car le trio est au fond le triangle amoureux par excellence. Non seulement le symbole maçonnique cher à Guillaume Meurice, mais le trio amoureux de la biche. En fait, le trio du désir sans fin. Mon désir de toi est attisé par le désir qu'un autre a de toi. René Girard, philosophe français qui a enseigné aux États-Unis car il était jugé trop chrétien par les Français. René Girard donc place l'origine de la violence dans ce triangle amoureux. Un objet est devant moi depuis un moment, ou une personne, tiens. Elle m'est complètement indifférente, et puis soudain arrive Alex, qui la trouve belle, et me demande la permission de s'en saisir. Alors le désir d'Alex réveille mon désir, et me voilà prêt à me battre pour Clara, dont je me fichais quelques secondes auparavant. Ce qui était déjà une erreur. C'est ça, la magie du trio. Quand il y en a un qui s'endort, il est fatalement réveillé, aiguillonné par la jalousie de voir les deux autres qui s'entendent comme deux larrons foires derrière son dos. C'est le... Manucure, je me permets de vous interrompre, mais c'est le fameux compliment qui est le plus beau du monde, qui est « Elle était belle comme la femme d'un autre ». Ah, magnifique. Magnifique, c'est ça. Magnifique. Alors, Camp Claude, c'est Diane, la franco-américaine, Mike, l'anglais, et Léo, le suédois. Mais ce triangle Jules et Jim façon Erasmus est nommé Cloud par les Inrock. C'est tellement plus chic. Mais quand même, ce sont vraiment les Inrock qui les ont découverts, soit dit en passant, via leur excellent Rock Lab, concours permanent qui recense les meilleurs groupes du moment, concours dans lequel Camp Claude arrive à second devant mon groupe préféré Feu Chatterton. Un cloud donc, un cloud d'amis, un nuage de potes. Mike était le cerveau d'un groupe trip-hop de Bristol qui datait des 90s. Léo, lui, officier chez J.J. Johansson, un trip-hopper swedish tendance Barbara chante dans la langue d'Heidegger. Les deux Lascars ont installé à Paris, qui se trouve donc Paris être encore une ville plus qu'inspirante. Malgré qu'on ait vidé la place de la République, les deux exilés créent il y a quelque temps le groupe Tristesse Contemporaine qui pratique la musique pop art. Ça commence à faire plus de groupes qu'il n'y a de Lascar dans le trio. Vous suivez toujours Alex, ouais, hein, ouais. Alors le plus beau, c'est qu'à la base, Diane, la chanteuse, ne les rencontre pas en tant que chanteuse, mais en tant que vidéaste. Et nous voilà au cœur du sujet. Camp Claude nous donne une véritable leçon d'esthétique. Un groupe, ça doit débarquer avec une iconographie unique. Ça doit suggérer une image, un récit cinématographique, un mood, une atmosphère, une couleur. On doit se sentir attiré comme par la plastique d'un film de David Lynch, où le grain flou et le cadrage de Traviol vous donnent l'impression que vous avez chopé un extra avec Isabella Rossi Céline dans les années 80 et que vous en êtes jamais remis. Dans la voix de Diane, la chanteuse, il y a toutes celles qui l'ont précédée. Chan, la chanteuse de Cat Power, Faced, et puis il y a aussi un zeste de Marlène Dietrich. Vous l'aurez compris, elle a la voix grave et voilée, comme je les aime, mais sans le côté femme fatale, avec un soupçon d'incertitude, comme une voix du matin qui dit bonjour après l'amour en ayant peur de briser le charme de la nuit. Ça sent le vécu. Ouais. La môme Diane est diplômée des Gobelins, une des écoles de graphisme les plus prestigieuses du monde, d'où l'image impeccable du groupe. La musique se consomme sur le net désormais. Et voilà que sur YouTube s'enchaînent les clips de Camp Claude comme une série réjouissante de variations géométriques colorées suivies de road movies dans le désert californien, entrecoupées de riffs de basse, d'une party girl dans un camping désert entre le Palavas, les flots et Cavalaire, une party girl bien campée par Diane, la chanteuse plasticienne à la plastique irréprochable de Camp Claude. Escape when you stand there in a row. Mixtape burning out your stereo. You levitate when you fly from coast to coast. You can't move, so you take some other blows. Last rough, they don't hear you though. They tell you things that you'll never know. You go outside, you take another joke. You're alone, you're losing all your hope. Right here, but my mind's already gone. I turn around and I take the microphone. I left my new friends dancing on a pole. I stepped down and they called me rock and roll. Rock and roll. Sam Claude chante Blow, c'est vachement bien, merci André Manoukian. C'est vrai, merci Charline. Vous seule, vous comprenez mes chroniques, Charline. Alors juste, je voulais faire un petit rappel par rapport à hier. Vous savez qu'hier j'ai chroniqué ce groupe formidable, Nina Blue, où j'avais repéré la chanteuse justement dimanche après-midi. Place de la République, parce que voilà, il n'y a pas que des mecs qui mettent le feu à des cordons électriques, ces idiots. Elle joue le... Oh merde, Yacine, dégage, pardon, attendez, je suis avec mon téléphone. Oh là là. Voilà, elle joue. C'est mot de passe. Voilà, Yacine, c'est qui doit dégager, elle c'est ça. Elle joue à 19h30, 182 rue Saint-Martin, dans le 3e, en duo violoncelle, au bar Ouf, et le 30 avril, à la Petite Roquette, 125 rue du Chemin Vert. Non, c'est Yacine qui joue là, je crois. Non, c'est mon copain Yacine. Elle s'appelle comment, rappelez-le? Ce groupe s'appelle Nina Blue, et c'est notre Janis Joplin de Montreuil, voilà. Thierry Ancy est avec nous de la Comédie Française. La Musica deuxième. J'ai une chance de fou, je joue ce soir, je ne pourrais pas être devant mon petit écran. Ah ça, oui, on va voir François Hollande. Oh là là, évidemment. Mince. Alors, plutôt que d'aller voir François Hollande, si vous alliez voir au théâtre du Vieux Colombier, c'est jusqu'au 30 avril donc, la Musica deuxième de Marguerite Duras, mise en scène d'Anatoly Vassiliev avec Thierry Ancy qui est notre invité jusqu'à 18h. À côté de vous, il y a un certain Guillaume Meurice, un individu assez peu fréquentable. Bonjour. Vous allez comprendre pourquoi, Guillaume. Eh bien, moi, je vais vous en parler justement à quelques heures de l'émission spéciale François Hollande sur France 2. Je me suis intéressé au dernier soutien de François Hollande. Moi, vous me connaissez, je suis très sensible aux espèces en voie de disparition. Et alors, eux, on les compte sur les doigts d'une main d'un lépreux de Jakarta. C'est une espèce extrêmement rare. On les connaît assez peu. Alors, de quoi se nourrissent-ils? Est-ce qu'ils se reproduisent en lisant des discours de François Mitterrand, qui a jadis bien baisé les gens de gauche, donc il y a un aphrodisiaque assez évident. Pour avoir les réponses à ces questions, j'ai contacté une des spécimens de cette espèce. Elle s'appelle Fleurette et elle tient un groupe Facebook qui s'appelle Des Tulipes pour Hollande. Vous avez pigé le jeu de mots? Tulipes Hollande. Spécialité de la Hollande. Vous voyez, bon, il y avait aussi le shit. Mais bon, du shit pour Hollande, vu le dynamisme du gars, ça faisait un petit peu ton sur ton. Alors, Fleurette, je lui ai posé des questions. Première question, François, qu'est-ce qu'il a fait de formidable depuis le début de son mandat? Oh là là, la liste est longue, ça me vient pas à l'esprit, mais il y a plein de choses qu'il a fait. La chose la plus marquante? La plus marquante, j'en sais rien, je pourrais pas vous... Mais s'il en a fait plein, vous devriez savoir m'en dire quelques-unes. Ah, il y a quelqu'un qui vous souffle. Oui, il y a mon mari derrière. Ah oui, alors évidemment, il existe deux soutiens de François Hollande. Heureusement, des gens qui se mobilisent autour de cette cause désespérée. Peut-on laisser les générations futures vivre dans un monde sans soutien à François Hollande? Non, je pense qu'il faudrait même les classer au patrimoine de l'UNESCO. Alors, essayons tout de même d'en savoir plus sur leur état d'esprit. Reposons la question, qu'est-ce qu'il a fait de bien, François Hollande? Non, mais c'est vrai... Comme ça, vous le dire de but en blanc, mais enfin bon, j'en sais rien, enfin, ça me vient pas comme ça, parce qu'on est comme ça, mais il y a plein de choses. Si les gens se donnaient la peine un petit peu de regarder, ils réfléchiraient autrement. Voilà, donnez-vous la peine. Oui, c'est ça, les gens ne réfléchissent pas, voilà, c'est difficile. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question, puisque bon, à part donner le droit à des couples de même sexe de sceller leur amour en dansant bourré sur la Compagnie Créole à la salle des fêtes Hélène Ségara de Brissac-les-Alouettes, c'est compliqué de trouver des points positifs à l'action de François Hollande, mais existe-t-il des points négatifs, selon Fleurette, toujours, des choses qui lui ont déplu? Oui, bien sûr. Qui m'a déplu, non. Il a rien fait qui m'a déplu. Vous venez de dire oui. Non, simplement que mon mari est en train de me souffler, de me dire qu'il nous a évité de nous faire serrer la ceinture comme les Portugais, comme les Italiens. Ah oui, mais ça, du coup, c'est pas quelque chose qui vous a déplu? Non, au contraire. Voilà, donc là, on est dans le cas d'une espèce rarissime, le Hollandus fanaticus, une espèce qui est capable de vivre en se couvrant les yeux, en se bouchant les oreilles pendant 4 ou 5 ans. On le sait qu'ils font ça, car ceux qui le font pas sont mécontents. Il y en a même qui manifestent, par exemple, les jeunes, précisément, de Nuit Debout. Qu'en pense Fleurette? Les gens qui manifestent dans la rue, les jeunes qui manifestent, à mon avis, ils sont totalement manipulés, parce que ne me dites pas qu'à 15 ans, on s'intéresse à son avenir. Ça, alors, je n'en crois pas un seul mot. Ah bon? À 15 ans, on ne réfléchit pas. On n'a rien dans la cervelle. Vous, à 15 ans, vous n'aviez rien dans la cervelle? Dans mon temps, c'était tout à fait différent. Ah oui, non, c'était différent. Non, mais c'est vrai, les choses changent. Le socialisme est devenu synonyme de MEDEF. Il y a même un grand pianiste, André Manoukian, qui tapine désormais dans la presse pour un célèbre bijoutier. Ça va, Dédé? Pensions alimentaires, c'est payé, c'est bon? Ne vous inquiétez pas, André, le ridicule ne tue pas. Vous avez encore de belles années devant vous. Le ridicule, François Hollande connaît bien. D'ailleurs, si l'on en juge par sa double volte-face sur la déchéance de nationalité, que pense Fleurette de cette mesure? figure. C'était un symbole, un peu comme le drapeau français. Mais pourtant, il était contre quand même avant. Oui, mais moi j'étais pour. Oui, mais lui, avant, il était contre François Hollande. Oui, puis après, il a changé d'idée. Ah, puis après, il a rechangé d'idée. Oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée, vous le savez très bien. Et oui, et François Hollande, là-dessus, est d'une intelligence rare. Hein, c'est un petit peu comme Éric Besson, hein, nommé en son temps génie supérieur de l'intelligence par changement d'avis. Et puis, oui, aussi Jean-Luc Mélenchon, hein, qui disait autrefois, notre force, c'est le collectif, avant qu'on se rende compte que le collectif, c'est comme ça qu'il appelle son surmoi. D'ailleurs, j'avais une question à ce sujet pour Fleurette. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un comme Mélenchon, par exemple, qui... Ah, ne m'en parlez pas. Ah, à ce point-là ? Mélenchon, non, absolument pas. Oula. Vous voyez, le soutien de François Hollande reste une espèce méfiante, hein, il faut faire gaffe. Fleurette était prête à se carapater, et elle peut se carapater très très loin, Fleurette. D'ailleurs, elle est où ? Je passe l'hiver au Maroc, et après je rentre en France. Bon, est-ce qu'au Maroc, il y a un peu une gauche qui est forte, ou comment ça se passe au niveau politique ? Aucune idée, et je m'en occupe pas, parce que je n'interviens pas dans les affaires du Maroc. Ah bah, vous qui vous intéressez à la politique, je trouve ça... Non, je pense... Non. Je ne vais pas intervenir dans les affaires du royaume. Voilà, toujours cette faculté à fermer les yeux et à se boucher les oreilles, mais dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'on vit mieux comme ça, hein, on est moins pollué par les conneries. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à tenter l'expérience dès ce soir, en fermant les yeux et en se bouchant les oreilles, devant France 2. Merci Guillaume Meurice, Fleurette, que vous aviez repéré dans Le Parisien aujourd'hui, oui, en France, une page où il était consacré. Oui, dans le journal de Bernard Arnault. Deuxième sujet. Merci avec Bernard. Vous, Thierry Ancis, avant que Bernard Arnault ne rachète la Comédie Française, vous pouvez aller le voir au Théâtre du Vieux Colombier. Et on va aborder avec vous le deuxième sujet. Donc Karim Benzema est considéré comme le meilleur joueur 6 saisons et demi au Real Madrid, mais il est écarté des Bleus et ne jouera pas l'Euro à cause de son comportement en dehors du terrain. Le chantage à la sextape dont Valbuena est la victime. La performance sportive ne compte donc plus face à ce trop grave écart de conduite. Déjà à l'école, le petit Benzema faisait des siennes. Moi, je veux bien sortir de la classe, mais faudra pas venir me chercher dans 5 minutes et me demander si je suis calmé. Hein. Je serai déjà très loin. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. On me met pas dehors comme on jette des poubelles. Hein. Je suis délégué de classe, hein, moi, monsieur. Je suis pas n'importe qui. Non, je sais que je suis pas délégué de classe, mais si on avait voté pour moi, j'aurais très bien pu l'être. Vous allez ressentir mon absence dans la classe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je suis incontournable, moi, monsieur, au sein du groupe. Vous allez tous bien vous faire chier sans moi. Il va y avoir une ambiance de merde ici. Une ambiance d'enterrement, de mort. Votre dépression va vous sauter en pleine figure. Terminez les vannes pas marrantes, les jeux de mots pourris. Va pas falloir venir me rechercher en pleurant. Hein. Guillaume, c'est le youtubeur du moment. Belge, oui, tout à fait. Ça s'entend. Ça s'entend. On avait envie de parler foot avec quelqu'un avec une société dans la Comédie Française, parce que bon, Benzema est écarté du groupe alors que c'est le meilleur en championnat avec le Real Madrid, pour une affaire qui se situe en dehors du terrain, mais qui impacte le groupe, parce que finalement, l'équipe... C'est une troupe, c'est comme au théâtre, et même si on a beau être le meilleur, si on n'a pas un bon comportement en dehors des planches ou du terrain, la troupe n'a pas envie de jouer avec lui. C'est beau. La question. Est-ce que le parallèle fonctionne ? C'est-à-dire que bon, déjà, on n'a pas besoin de se filmer dans des rapports sexuels les uns les autres. Puisque, ah bon ? Vous n'avez rien sur Guillaume Gallienne ? Non. Il y a des acteurs qui le font quand même. Non, mais on a. Oui, ils le font, mais ils le font entre eux, si tu veux, pour s'amuser. Voilà. On a de la mémoire et puis on a du ressenti. Donc, il est supposé de chantage, hein, la sextape. Oui, mais alors, déjà, on le fout. Alors, je m'en fous, mais tellement que c'est ça. Imaginez même pas à quel point. Ouais. Mais vous n'y voyez même pas une métaphore tout, de la pas troupe. Du tout, mais absolument. Mais est-ce que ça arrive que absolument dans une troupe de théâtre, on ne choisisse pas le meilleur comédien parce qu'il fout une ambiance de merde dans les coulisses et qu'on choisisse plutôt celui qui est un petit peu en dessous l'esprit de troupe. Ça, j'en sais rien du tout. Non, en fait, non, parce que comment déjà, c'est... déjà aux Français, on a tous à peu près bon caractère, sauf. Hein, ouais, c'est ça. Qu'on embrasse. Et qui en plus est nul, donc ça pose pas de problème. Non, mais après, on est. C'est très différent le français, parce que moi, on n'a pas trop d'ego quand on travaille les uns avec les autres, parce qu'on sait bien que bon. Mais avant le français, vous avez travaillé dans d'autres troupes ? Non. Ah non, d'accord. Non. Direct au français. Oui, direct au français. Je suis arrivé tout petit. On me dit, tiens, tu rentres là. Je dis, oh, il y a de la lumière, il y a un bar. Et la question de l'humain, du collectif, parce que c'est ça, faire un euro, alors pour vivre un mois et demi avec les mêmes personnes. Évidemment. Quoi. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le. L'humain et le collectif qui, réellement, au niveau de l'euro, soit important. C'est simplement, c'est vrai qu'il a, il donne des images humaines qui sont tellement dégradantes et tellement bêtes et tellement idiotes que... Oui, mais il y a un facteur aggravant qui s'appelle l'argent. Quand oui, même. Est-ce que l'argent à grand flot, à grande cascade, ne facilite pas la fluidité humaine, on va dire. Ça a tendance à crisper les gens ou à les pousser dans leur retranchement les moins glorieux. Bah oui, dans leurs défauts les plus monstrueux, bien sûr. C'est pour ça que nous, on est très peu payés. Bien sûr, sinon ça mettrait tout le monde en racontant des conneries à la radio. Voilà. Au nom d'un collectif soudé. Au nom d'un collectif soudé, bien sûr, mais là oui, c'est peut-être la même chose que sur un plateau radio, effectivement, l'euro. Oui. Nous sommes une troupe, et dans cette troupe, et il y a... Sextape CDD. Il y a Clara Dupont-Mono. Bonjour Charline. Oui, rebonjour. Alors oui, parce que l'actualité, c'est... Ah, vous êtes là, oui. Oui. Non, l'actualité, c'est... vous allez voir, c'est une chronique en fait qui lie l'actualité à la littérature ou inversement. Voilà. Mais c'est intéressant, vous allez voir. Parce que l'idée, l'actu, c'est que c'est François Hollande qui a invité ce soir sur France 2, on l'a dit. C'est pourquoi nous parlerons ici de Martine Aubry, ce qui me semble logique. Prends le lien. Mais oui, parce que je vais vous dire... La tristesse du lien. Tristesse contemporaine. Écoutez ce que disait Pierre. Moi, je serais Charline, je vous arrêterai ici. Je dirais, non, vous allez travailler 2 heures. Et non, je pense qu'on est en train de faire un papa outé. Est-ce que je peux terminer? Thierry Ancis a l'air passionné et oui. Il est bien le seul, mais il y en a au moins un. Pierre Desproges disait « Sans l'ennemi, la guerre est ridicule ». Magnifique phrase. Eh bien, Martine Aubry, qui est un formidable personnage de roman, quand on y réfléchit, qui est une espèce de mélange de royauté et de fureur, un peu comme si Nefertiti avait couché avec le capitaine Crochet, eh bien, elle en serait le fruit vénéneux. Voilà, c'est elle, Martine Aubry. Elle est le caillou dans la chaussure de Hollande. Elle est le moucheron qui perturbe la quiétude socialiste. En bref, elle a son utilité, puisque on ne peut pas se passer d'un ennemi. Il vous remet en question sans arrêt et il vous oblige à vous surpasser. C'est pour ça que François Hollande aurait besoin de Martine Aubry ce soir pour donner le meilleur de lui-même. Et comme elle ne sera pas là, eh bien la littérature a une solution. Mais oui. On y arrive à l'escroquerie. Vous allez voir. Les éditions... Elle va éclater, vous allez voir. J'ai mis 3 heures à trouver la transition. Vous avez vu comme c'est détruit. Les éditions Casterman rééditent la série des Martines. Excellente idée. Rapport à Martine Aubry. Voilà. Parce qu'il y a Hollande ce soir à la télé. C'est ça. Quel génie. N'empêche qu'elle a compris, contrairement à d'autres chroniqueurs musicaux qui ne sont pas toujours compris. Moi, je suis compris. On a oublié la transition. C'est l'héroïne pour enfants, vous savez, Martine va à la plage, ouais. Martine va à l'école. Mmh. Et les points communs ne manquent pas avec Martine Aubry. D'abord, comme Aubry, l'héroïne Martine, je vous signale, porte la frange. Comme Aubry, elle a des camarades. Vous voyez, oui, PS. Oui. Ah, oui. Comme Aubry, elle est sexagénaire, puisque Marcel Marlier et Gilbert Delahaye ont créé Martine de papier en 1954. Et c'est d'ailleurs pour les 60 ans de Martine que Casterman réédite ses aventures qui, dans la foulée, ont été modernisées. Exemple, le congé du jeudi a été remplacé par mercredi. Et oui, pour que ça parle aux petits-enfants de 2016. Une copine de Martine qui s'appelait Chantal a été prénommée Clara. Le meilleur choix. Et le tricot est devenu une activité mixte. Je pense que ça se fête. Les dialogues aussi ont changé. Avant, on pouvait lire, je cite, « Oh, le joli tourne-disque, qu'allons-nous jouer ? Une marche militaire, dit Jean. Non, réplique Martine, ce n'est pas de la musique pour les filles. Mettons une farandole, ce sera mieux. » Cet échange de haute volée a été remplacé par quelque chose de plus... Peut-être pas progressiste, bon, mais de plus neutre. Je cite, « Cet appareil à musique appartenait à ma mère quand elle était petite. D'ailleurs, elle m'a donné tous ses disques. » Voilà. Ils ont bien bossé. Ouais. Ah bah, ouais, non, mais il y a du boulot. Ouais. Si je puis me permettre, j'ai regardé les albums, ils sont tous encore blonds aux yeux bleus. La mixité, c'est... Oui, vous avez raison, mais on peut pas... La gauche progresse doucement, ouais, mais sûrement... Dans Martineau Park, il y avait une petite noire. Oui, mais qui s'appelait Cacao. Ah ouais, qui s'appelait Cacao. Il y a du boulot. On n'y est pas. Et c'est Martine à la ferme. Ça n'a pas l'air du tout vichiste, ce bazar. C'est Martine à la ferme et elle s'appelle Cacao, donc il y a un peu de travail. C'est vrai. Alors, autre point commun. Martine en Sainte-Serny sort la semaine prochaine. Martine aime le maréchal. Martine regrette l'Algérie française. Mais Martine Aubry, Martine aussi tire son petit patapouf derrière elle. Ah oui, c'est vrai. Mais alors attendez, parce que vous allez voir, j'ai eu le même réflexe que vous, mais ça, c'est à venir. Il reste 10 minutes. Autre point commun. Les deux Martines ont un faible pour le cirque. Pour l'une, il y a l'incontournable, je vous l'ai amené Thierry Ancis, Martine au cirque, classique. Hein. Et l'autre adore fouetter les éléphants. Je me permets le petit jeu de mots. Subsiste néanmoins. Rapport à Martine Aubry. Oui, parce que c'est l'éléphant. Clara Monod, qu'on retrouve au théâtre des Deux-Ânes, tous les jeudis à 23h30. Subsiste néanmoins des divergences. Ah bah oui. depuis sa création, Martine de Papier a séduit quatre générations. Elle est présente dans 15 pays. Mmh, 15 pays. Alors qu'Aubry, elle, peine à séduire les membres de son camp et son envergure reste lilloise. Ah, voilà. Ah, et oui. Et, oui. Et puis, attendez, on n'a encore jamais vu la mère de Lille. Martine mange moule frite. On n'a encore jamais vu la mère de Lille se déguiser, apprendre à nager, non. être rat de l'opéra ou brosser un âne. Faire encore, du cheval. Oui, en politique, ça se discute encore. Mais. En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'en regardant les titres de Martine de Papier, on se rend compte que ça relève un peu de l'esclavage. Pour les seules reparutions de mars 2016, on a, je les ai comptés, j'ai vu, Martine fait les courses, Martine fait la cuisine, Martine garde son petit frère, Martine babysitter. En attendant, Martine fait un procès à sa famille d'accueil. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, nous ayons la réunion des deux. Et oui, imaginez un album Martine noie François. Rapport à Aubry. Martine démolit Solferino ou Combat d'Hélice, ce qui est bientôt même. Ou encore mieux, Martine devient présidente. Mais oui, mais pourquoi pas. Martine à l'Élysée. Voilà. Exactement. En attendant, il y a un album qui les réunit toutes les deux, et ça c'est vrai de vrai, et il s'appelle Martine déménage. Je vous remercie, merci. C'était ma chute. Je vous redonne les références. La série Martine de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier est éditée chez Casterman. Vous retrouvez cette chronique dans le Parisien Magazine à paraître demain. Vous allez vous marrer avec le Parisien Magazine demain. Merci Clara. Je suis capable d'aller l'acheter pour le coup le Parisien Magazine. Merci Clara. C'était vraiment une super idée de relier Martine à Martine Aubry parce que on n'y avait jamais pensé. Ah, mais c'est ça qu'elle a fait, j'ai compris. Parce que Martine, c'est le prénom de Martine Aubry. Oui. Oh là là, je l'ai, c'est d'accord. Une bonne idée. Ouais, c'est hyper bien d'avoir fait ça. C'est vachement. C'est voilà. Non, ça fait du bien. Ça devait être fait. Allez, troisième sujet. Avec vous, Thierry Hancy, excusez-nous. Hein, c'est trois vraiment sujets. Oui, il y a trois sujets. Bosse, parce que d'après un professeur à la London School of Economics, le travailleur français n'est pas feignant. Il est aussi productif que les autres et aussi productif que le travailleur américain. Alors, est-ce qu'on pourrait quand même vérifier cette info sur le terrain, ici, en France, dans le Nord, par exemple? Lui, c'est mon père, Jeff Tuch. Comme Papy Jacou, il a bien essayé de convaincre les gens du village de lui verser de l'argent tous les mois, mais à sa grande surprise, ils ont refusé. Alors mon père, la mort dans l'âme, est parti travailler chez Bias, contrôleur de billes. C'était ça son métier. Pendant 18 ans, il a contrôlé des billes. Et puis un matin... Je suis viré ! Vive l'Europe ! Vive les Bulgares ! Jeff ! Je viens d'apprendre la nouvelle. T'es pas tout seul, Jeff. On va faire bloc, on va tous aller voir la direction. Hein ? Surtout pas, malheureux ! Je suis chômeur, Monnier ! Je suis chômeur ! Je suis au chômage ! Je suis au chômage ! Ça y est, Papy Jacou pouvait enfin reposer en paix. L'honneur des Tuches était sauf. Au chômage, mon père a pu se consacrer à sa vraie passion, le foot. Les Tuches ! Eh oui, Thierry Hancy, vous pensiez venir parler de Marguerite Duras? Je parle des Tuches. On va parler des Tuches et d'économie, mais et bien Martine. Sûr, c'est aussi ça, annule tout. Ce professeur de la London School of Economics a fait une étude. Vous pouvez lire l'article dans le... Alors attendez, je vais le rouvrir parce que j'ai oublié. Le Courrier International, évidemment. Personne n'a bossé aujourd'hui. En fait. Si, on m'a fait une photocopie. Ah. C'est écrit tout voyez, tout petit. Exactement. Et donc c'est le mythe d'un pays paresseux et de travailleurs paresseux qui est battu en brèche par un Américain alors que les Américains trouvent toujours que les travailleurs français travaillent moins. D'où cette question, le comédien français est-il plus fainéant que le comédien belge? Je n'en sais rien puisque je suis un belge dans la comédie française, moi je n'en sais rien. Moi, je sais que je travaille énormément. Ouais. Déjà, il me faut déjà 2-3 fois plus de temps que les autres pour apprendre en français. Écoutez, on va le vérifier tout de suite avec un sketch alors. En fin d'émission, on propose toujours un rôle. Le bébé était traité ce sujet en tout cas. Et si vous acceptez le rôle d'Alain Juppé, Juppé, oui. Oui, il a l'accent de... A priori de Bordeaux, mais faites-le comme vous le sentez, un peu... Attention, il est sec. Parce que hier, Alain Juppé était en visite à la ferme. On s'y rend donc, Charline est la fermière. Guillaume, conseiller d'Alain Juppé, et vous êtes donc le rôle d'Alain Juppé. Oui. Alors, monsieur Juppé, vous êtes prêt? Oui, je suis super heureux d'être à la ferme. Martine est là? Oui. Elle arrive. Elle est en train de brosser le portrait du maréchal Pétain. Oui, je suis super heureux d'être à la ferme. Très bien. Ça sent quoi? C'est bien. C'est ça qu'il faut dire. C'est bien. Oui. Monsieur Juppé. Donc, oui, je suis super heureux d'être à la ferme. Ah oui, alors ça sent la ferme, monsieur Juppé. Oui. Hein, on vous l'a mis dans le dossier, ça, hein? Il y a un dossier. Oui, alors c'est pas grave, monsieur Juppé, on va se débrouiller quand même. Alors, attention, vous mettez les pieds. Ça porte chance, j'en avais besoin. Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour Martine, madame. Oh, qui sont mignons vos petits chiens-chiens. Attends, ce sont des poules, Monsieur Juppé. Des oui. poules. Oui, c'est des poules, oui. Des poules, je me disais bien qu'ils étaient étranges, ces chihuahuas. Oh, je comprends pas pourquoi les gens disent que vous êtes pas drôle, quand tu, hein. Quand tu manges du chien, du chihuahua. Elle est pas de moi. Il est drôle, il est drôle, il est drôle. Moi si, moi je comprends pourquoi on dit qu'il est pas drôle. On était où? Vous voulez peut-être un petit... Moi non plus. Voilà, c'est ça, un petit fauteuil, tout ça. Oh, c'est pas un fauteuil, c'est un mouton, Monsieur Juppé. Oui, mais ça c'était ma réplique, Monsieur Juppé, mais c'est pas grave. Vous êtes en train de perdre votre place à la Comédie Française, mais c'est pas grave, on continue. Mais c'est écrit en jaune. Ça vous dit que je... Un petit fauteuil, je peux m'asseoir. C'est pas un fauteuil, c'est un mouton, Monsieur Juppé. Ah, comme ceux que vous comptez pour vous endormir. Oh, moi pour m'endormir, j'écoute les discours de Fillon. Ah, c'est grâce à lui qu'on fait les pulls en verre. Quoi, mes pulls sont faits en poils de Fillon? C'est vrai que ça sent un peu. Ça vous dit une petite dégustation là, du foie gras, c'est produit ici. Moi, je préfère le foie gras que les poils de Fillon. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on produit. Ah, c'est magnifique. Je vois que vous avez aussi des canards. Alors, les canards. Oui, c'est fantastique, je croyais qu'il y en avait que dans les WC. Les canards. Et alors, les canards, ils vont toujours enfiler un indien à la main. Oui, oh, on dirait des républicains qui vont à la primaire. Oui, voilà, on va pas rester en fait. Non, on va a déjà vu passer vos collègues, vous savez, Sarkozy, Bruno Le Maire, Copé. Ah, bah j'imagine que Jean-François a aimé. Oui, c'est sorti comme chez lui avec les chèvres. Est-ce qu'ils ont aussi marché dans la merde? Qui hein? Geoffroy Didier est venu? Oui. Qui? C'est bien ce que je pensais. Ouais, personne ne connaît Geoffroy Didier. On va y aller, on va y aller. Vous savez, je me sens très proche du milieu de la ferme. Oui. Bah oui, comme on a du mal à intéresser les jeunes. Bon, je dis n'importe quoi, parce que je suis perdue. Vous savez quoi? Foutu pour foutu, on va s'arrêter là. Je préfère qu'on s'arrête là. Ah non, parce qu'il y a une réplique, je ne connais pas le moment du bière pong. Rapidement, que Thierry Ancis, de la Comédie Française, ne fait pas pareil avec Marguerite Duras. Si vous pouvez aller le voir, la Musica deuxième de Marguerite Duras, mise en scène d'Anatoly Vassiliev. C'est au Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 30 avril. Oui. Merci beaucoup Thierry Ancis d'avoir passé ce moment avec nous. Vous verrez en vrai des pigeons. Voilà. Vous êtes le premier qui arrive à foirer le sketch. Au président de la République qui sera ce soir à la télévision. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct. Mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou...